Le hussard sur le toit de Jean Giono. Cinquième épisode. Évadé de la quarantaine de Pérouille, où tout le monde meurt ensuite, Angelo poursuit sa route sous une chaleur étouffante et dans une campagne déserte. Il descend la vallée de la Durance sur un cheval qu'il a volé et parvient finalement à Manosque. Il y a de sérieuses barricades ici. Ce sont des épiciers. Et celui-là en redingote est un valet de champ. Halte ! Et où allez-vous ? N'approchez pas ! Qu'est-ce que vous venez faire ici ? On m'a vanté votre beauté, je viens m'en assurer sur place. Allons, vous êtes certainement un bon garçon. Je suis le plus mauvais garçon de la Terre. Tous ceux qui m'ont fréquenté s'en sont aperçus. Roulez ces barricades et sortez-vous de là, que je passe. Sinon, je saute et gare à vous. Les murs de la ville, dans les jardins. Mon vieux, tu es libre. Allez, allez. Montant le long des murs d'une grande tannerie, Angelo déboucha sur un boulevard sous des tilleuls. Les réverbères étaient allumés. En voilà encore un. Prenez-le là. Il est venu derrière la tannerie. Fouillez-le. Il a des pistolets. Prenez-lui ses paquets de poison. Il a déjà dû les jeter dans le bassin. Videz le bassin. Un de ses pistolets est déchargé sans la poudre. Écrasez-lui la tête. Allons, debout. Debout. C'est lui. Pendez-le. À mort ! À mort ! Oui ! À mort ! Attendez un instant ! Si c'est l'empoisonneur, il faut le conduire à la police. Il faut le prendre au réverbère, là, tout de suite ! D'accord, à la police ! Prenez-le ! Vous êtes loin d'être un lâche, monsieur, mais hâtons-nous si vous ne voulez pas avoir le sort de l'autre. Quel autre ? Un autre qu'on a pendu, justement. Je ne suis pas pressé. Gendarmes, empêchez-les d'entrer. Oui. Celui-là l'a échappé belle. Si je n'avais pas été là, il y passait aussi. Foutez-moi dans le pif à ces gueusards. Ouais. Allez, reculez. À mort l'empoisonneur. Il a jeté du poison dans la fontaine. C'est un complot pour faire périr le peuple. C'est un étranger. Vous avez vu ces bottes de Milan? Il est payé par le gouvernement. Et toi, Michu, tu es payé par qui pour faire le couillon? Tu as reçu 300 francs en or par le dernier courrier et une lettre de Paris dont j'ai la copie sur ma table. Dis-nous un peu par qui tu es payé. Le choléra est un prétexte pour empoisonner le pauvre monde. Pas besoin de prétexte. Il y a longtemps que vous vous croyez assez grands garçons pour chier dans vos puits. Gendarmes, fermez la porte. Et tirez dans le ventre de cette racaille si elle ose ouvrir et entrer. On t'en trouvera, l'ancien. Quand tu voudras. Asseyez-vous. Où est-ce qu'ils l'ont attrapé? À la fontaine des Observantins. Il avait les mains dans l'eau. Le plus rigolo, c'est que la préfecture de police a l'air de vouloir faire croire qu'elle y croit. Où est-ce qu'elle fait l'âne pour avoir du son? Si c'était vraiment un bazar de ce genre, j'ai dans l'idée que ça irait beaucoup plus vite. Ça va déjà assez vite pour mon compte. Approchez-vous. Vous avez des papiers? Non. Vous n'êtes pas français? Non. Piémontais? Oui. Réfugié politique? Il n'a pas peur. Il s'est défendu à coups de botte sans dire un mot. C'est vrai, tu colles ce type-là dans le dernier carré de Waterloo, je parie qu'il est honorable. Tu me lèves les mots de la bouche. Oui, mais... l'ordre, qu'est-ce que tu en fais? D'autant que ça foire de partout comme elle est psyche. Juste, Auguste, la chiasse est reine. Rentre en toi-même. Le coup du télescope. Si je le fais, j'en vois de belles. Annonce la couleur. Abeille. Pas bête. Tu sais qu'il y a une circulaire signée Gisquet. Qu'est-ce qu'elle raconte? Des histoires. Dans quel sens? Dans le sens des types qui sont dehors. Ah, ça ne me lève pas de l'idée que la couleur est abeille, au contraire. Je reconnais que ça expliquerait le Gisquet. Et l'or de Michu. Les louis étaient neufs et les louis neufs sortent de chez le fabricant, selon moi. Tu es profond. Comme un puits où la vérité prend son bain de siège. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On lui fait prendre la fille de l'air par la porte de derrière. Suivez cet homme. Monsieur. Monsieur. On ne sait jamais avec ces froussards, ils ont une malice. La voie est libre, venez avec moi. Et tâchez de ne pas vous embrocher dans les échalotes. Je ne comprends pas pourquoi il faut que je me cache. Je n'ai fait de mal à personne. Motus, faut jamais parler d'innocence. Et si vous avez besoin d'assassins, prenez toujours des trouillards. Ils y vont de bon cœur parce que ça les calme. Pendant qu'ils tuent, ils ne pensent pas à leur trouille. Attention, ne marchez pas sur les choux. Je n'ai pas besoin d'assassins. Le besoin s'en est fait sentir une fois... et j'ai réglé mon affaire moi-même. Alors n'en parlez pas dans la maison du pendu. Et pour le moment, marchez exactement sur mes talons. Nous sommes dans Méret de Haricot. Voici la rue. Je vais vous ouvrir la porte. Vous n'imaginez pas à quel point je suis partisan de la cocarde. Je vous fous mon billet comme on nage. Je suis encore capable de faire une révolution en képi-pompon. Alors vous voyez, si je vous dis doucement les basses, c'est doucement les basses. Le choléra est une saloperie, mais le reste est une saloperie encore pire. Ne faites pas le cocardier. Quel reste? On a payé des types pour dire que le gouvernement fait empoisonner les fontaines. Ça ne vous dit rien? C'est une lâcheté. Mais comme on s'adresse à des lâches, c'est un bon calcul. À droite, vous allez en ville, à gauche dans la campagne. Bonsoir, monsieur. Angelo prit par la droite. La rue déserte était éclairée par un réverbère rouge. Après le réverbère, la rue tournait entre des écuries qui sentaient bon le fumier de cheval. Si je n'avais pas fait l'enfant tout à l'heure devant ces bourgeois cachés derrière les futailles, j'aurais encore deux coups de pistolet à tirer. Alors qu'il ne m'en reste qu'un. Ce soldat qui est maintenant de la police a raison. Il ne faut pas être cocardier. Pour le plaisir de briller tout à l'heure, désormais je ne peux tuer qu'un seul de ces chiens. Et si ce n'est pas celui qui m'a craché au visage, je ne serai pas vengé. Des jambes. Appelez l'autre charrette! Celle-ci est pleine! Des têtes qui ballottent au bout de longs cous maigres. Des fossoyeurs qui fument la pipe. « Toutes les maisons étaient fermées, sauf à une cinquantaine de pas une boutique, dont les portes vitrées donnaient un peu de lueur. C'était celle d'un petit marchand de vin où il y avait une lampe. Donnez-moi du vin. Et où c'est qu'il est, ton verre ? Quel verre ? Celui pour boire. Où tu crois que tu vas boire ? Dans mon chapeau ? On donne bien des verres, d'habitude. Tu peux courir. Qui c'est qui prête son verre au jour d'aujourd'hui ? Et qui c'est qui a ses couillons pour boire dans le verre des autres ? Si tu veux boire, apporte ton verre. Ces messieurs ont apporté leur verre. Je ne me promène pas avec des verres dans ma poche. Donnez, je boirai à la bouteille. Alors casque ! Je veux pas chez moi de la bouteille où t'auras mis ta gueule. Voulez-vous parier que je vous fais sauter le caisson ? Posez la bouteille, sans bouger. Maintenant, reculez. Merci. Maintenant, il faut que je trouve la maison de Giuseppe. Mais comment faire? Est-ce que je sais seulement où je suis? C'est un quartier bourgeois. Giuseppe n'est certainement pas de ce côté. Enfin, je n'aurais pas besoin de me disputer pour demander un renseignement. Ces gens parlent comme moi. Du moins, je l'imagine. Mais quoi demander? Il doit y avoir 10, 20, 30 Giuseppe dans cette ville. Et pas mal d'entre eux sont sans doute cordonniers. Et peut-être qu'il se fait appeler Pierre ou Paul. J'aurais dû traiter Giuseppe comme un soldat et savoir son nom. Tandis que nous avons parlé de grandeur et de liberté. Les mots. Les mots prenaient tout notre temps. Pour des gens qui habitent des maisons pareilles, les cordonniers n'existent pas. Il s'agit de ne pas passer pour un imbécile aux yeux de ce brave policier qui a pris la peine de me faire traverser son jardin potager. Ah, si j'avais deux coups de pistolet à tirer au lieu d'un, je me paierais le luxe d'envoyer un de ces salauds fumer les mauves par la racine. Que ce ne soit pas une impasse. Maintenant, C'est une question de vie ou de mort. Si je frappe de haut en bas avec le canon, je descends mon arme. Et si je défonce le crâne à un de seulement, les autres feront leur compte. Gouvernement qui lui paye ses bottes. Ah, qui veux-tu que ce soit? Et c'est ça le peuple. Il est certainement resté dans cette rue. Vous n'allez pas vous laisser empoisonner comme des chiens par un gouvernement qui veut la mort des ouvriers. Allez, cherchez. Il nous le faut. Eh bien, tant pis. Il faut en tuer. Il y a certainement quelque part quelqu'un qui doit bien rire. Une porte qui s'ouvre. Vestibule. Il y a un escalier qui guide de fort belles choses. Ah, je ne dois pas être beau. Un bras de chemise est tout déchiré. Mais en tout cas, tel que je suis là avec ma bougie et ne cherchant pas à me cacher, il est difficile de me prendre pour un brigand. Il y a quelqu'un ? Eh bien, je vais monter. Monsieur ou madame, soyez sans crainte. Je suis un gentilhomme. Il voyait maintenant le bas de la porte et il s'aperçut qu'elle était maintenue entr'ouverte par une boule de fourrure à très longs poils dans lesquels les élancements de la flamme de sa bougie allumaient des reflets d'or. Son frisson de peur fut très court quand il comprit que c'était des cheveux de femme. Une jeune femme. Ou une jeune fille. Morte. C'est le choléra morbus, mon vieux. Le plus beau débarquement de choléra asiatique qu'on n'ait jamais vu. Ah oui, bien sûr. Voilà l'histoire. On dirait qu'elle mord la vie à pleines dents. Chambre. Ici, le désordre parle d'un combat plus violent. Le dernier a dû se freiner dans un coin noir. Ah, ils vont se fourrer dans des endroits trop élevés. Personne. Un salon. Tu as faim? Non, tu es bien gras. Tu es passé par la fenêtre? Tu es un maraudeur, comme moi. L'escalier montait plus haut. En même temps, il était devenu paysan. Il sentait le grain de l'oiseau. Il était même légèrement jonché de paille. Il finissait comme une vraie porte de grange qui s'ouvrit sur un brasillement d'étoiles. C'était ce qu'on appelle ici une galerie, c'est-à-dire une sorte de terrasse couverte sur le toit. Angelo respira avec plaisir ce vent qui sentait les tuiles chaudes et les nids d'hirondelle. Il éteignit la bougie et il s'assit au bord de la terrasse. La nuit était si chargée d'étoiles, elles étaient si ardemment embrasées, qu'il pouvait voir distinctement les toitures agencées les unes aux autres comme les plaques d'une armure. Le hussard sur le toit, de Jean Giono. C'était le cinquième épisode, avec Bruno de Volder, Angelo, Pierre Nègre, la voix sombre, François Dalloux, l'homme à la cravate, ainsi que Guy Pierrot, Jacques Guezy, Alain Janet, Jean-Jacques Stine, Bernard Jousset, Bruno Balp et Georges Lican, avec la voix de Pierre Vanek. Directeur du son, Jean Jusforgue, assisté de Pascal Bénard. Bruitage, Louis Amiel, assisté de Frédéric Antoine. Adaptation et réalisation, Claude Mourtet, assisté de Daniel Finot. Et avec la participation exceptionnelle du chat Timoumou.